toute ma vie. J'aime leurs courbes et j'aime leurs secrets. J'aime leurs regards, j'aime leurs baisers. J'aime leur douceur, j'aime leurs envies. D'autres lèvres, j'aime leur désir, j'aime leur folie et leur mari. Pendant l'amour, c'est irréel, elles deviennent de plus en plus belles. Je ne peux plus me passer d'elles. J'aime leurs yeux noirs. J'aime leurs cris et leurs maris. Après l'amour, je suis envahi de sentiments d'éternité. C'était contre elle, j'aimerais mourir, mais heureusement, il faut partir. Et la marie. Avec les fins, je touche l'infini. Elles font de moi un intello. Sinon je suis rien qu'un pauvre héros. Mais pour le foot et l'apéro, y a leur mari, la femme qui partage ma vie. Me plaît à la folie, mais entre nous irréparable, elle a commis, elle vient de quitter son mari. Je reste avec lui.